Vous êtes bien sur Radio Nova. Spéciale voiture. On va écouter un morceau de la BO de Car Wash. Un film que je n'ai pas vu. Non, je déconne, c'est les entretiens de Grenoble sur Pinode. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'avant, le live et les interviews. Un morceau avec une thématique centrée autour des automobiles. Thank you. film avec Antonio Fargas qui jouait Guy Le Montuyo dans Starsky et Hutch, George Carlin, Richard Pryor, écrit par Joel Schumacher. Schumacher, on y reviendra au cours de cette émission. C'était une double occurrence du thème de la voiture. The Pointer Sisters sont dans ce film de 1976. Le morceau qu'on écoute, c'est Sunrise. Thank you. seul. Désolé pour la très mauvaise qualité du fichier sonore. C'est Clash Car Jamming. C'est un album qui n'est jamais sorti, Rat Patrol from Fort Bragg, qui est en fait l'album qui a donné lieu à Combat Rock. Je crois que c'est Mick Jones qui a fait le mastering ou je sais pas l'editing ou qui a fait l'ingénieur du son. Et apparemment l'histoire c'est quand il a présenté ça à Joe Strummer, il l'a trouvé trop dub. Donc il y a plein de morceaux en fait qui ont été virés, qui ont été remixés on va dire, et remasterisés, et ça a donné lieu à Combat Rock. Voilà. Un autre titre. Herbie Hancock, Motor Mouth. C'est pas spécifiquement sur les voitures, mais bon, on utilise un élément de la voiture pour parler de quelqu'un qui parle beaucoup. Round the bend, out there rapping again. No, there ain't no doubt, that's a motor mouth. That's a motor mouth. Head full of news, can't wait to let it loose. Just watch the boy that got continuer sur un truc funky. Connu Jimmy Hawkwai, tout le monde va reconnaître Prince avec Little Red Corvette. When you drove me to the place where your horses run free. saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh yeah, leave it, come back. Maybe your mind's too fast. Yes, you are. Leave it, come back. You need to find a love that's gonna last. Hold on. Find a body like you, it's gonna be a jam. On the verge of being obscene. Now move over, baby. Give me the keys. I'm gonna try to tame your little red love machine. Big up à Ayrton Senna et Joël Schumacher, Michael Schumacher, on en parlera plus tard. À titre de Patrick Cowley et Jorge Socaras sur l'album Catholique. Oh, Vega Speedway, un de mes morceaux préférés d'Alan Vega. Alan Vega sans Martin Rev. Est-ce que Alan Vega seul, c'est mieux que Martin Rev seul? Un débat peut-être pour une autre émission. Sachez, auditeurs, que c'est l'avant-dernière émission. Il y aura une dernière émission la semaine prochaine, puis c'est une petite pause. Ça va faire un an que je fais cette émission sur Pinode. Merci Pinode. Merci à tous pour votre... Alors, on va enchaîner sur un pour votre fidélité. Un autre titre un peu rock. Looking left and right. Jasmine, I saw you peeping. As I push my foot down to the floor, I was going round and round. Hotel garage must have been touching close to 94. Oh, but I'm always crashing in the same car. Quel musicien est mort en voiture? Voilà, je vous pose la question. C'était Gary Numan avec Cars. C'est son titre le plus connu, me semble-t-il. Gary Numan. Si, il a fait aussi I Dream of Wires, dont Robert Palmer a fait une reprise qui est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est 40. Je vais expliquer dans 5 minutes la raison de cette thématique. Il est possible que je finisse par mettre un album entier des Cars à la fin pour la dernière demi-heure, mais let's see how it goes. Hein. Ok, on va passer à une petite séquence, on va dire pop, avec un morceau de Belle et Sébastien, où le rapport aux voitures est contenu plutôt dans les paroles que dans le titre, donc moins évident, et pour une fois, là où avant on avait l'impression que les voitures étaient maîtrisées, là elles ne le sont plus. Voilà, ça fait partie du premier EP de Belle & Sébastien, Dog on Wheels. Et le morceau s'appelle, c'est le morceau éponyme du groupe. Ou le groupe éponyme du morceau, n'est-ce pas? Allez. I left my school, I left my job. Saw me looking like a slob. When I was young, you were the only fun in town. Everyone thought it was a shame. But Belle and the boys surpassed it. Sebastian went too far again, crashed his car in the rain. He wants to love and he wants to care. But when the girls hear that, they think he's so square. Sebastian, for once, just leave your troubles home. Sebastian, for once, just leave your troubles home. He goes to school around the way. The boys are queuing up to tell her she's a star. Poor Sebastian is heading for a fall. Everyone thought it was a shame. Proud Cars and Girls sur l'album From Memphis to Langley. Juste le refrain. Some things hurt more, much more than cars and girls. What blah blah blah. Just look at us now. Start counting what adds up the way it did when we were young. On va écouter Ipsway. So plus romantique. I saw your face in a long white car. Sur l'album éponyme du groupe Hip Sway. Why does in the city tonight? There's a dust in their hearts. The telegram bring me down. There's dust in their hearts. Don't echo this land loud. The jewels in my heart strike a chord, break my spine. There's dust in their hearts. I saw your face in a long white car. Move away from here. get away from here. Gates of the Wild Kingdom were opened up to me. I stood around in a cloud of doubt. Is this way here I should be? Why wasn't the city tonight? Je peux. Move away. like a flash in the dark. See the tears in our eyes, fall like glittering stars in American cars. I let go of the wheel and take hold of my heart. So before we crash, kiss me under the stars in American cars. Thank you. zwei Sekunden. Los geht's! Schumacher. Weltmeister. Michael Schumacher, il a passé un peu de temps à Grenoble, puisqu'il a eu un accident de ski il y a quoi, il y a 3-4 ans, 4-5 ans. Apparemment, c'est la GoPro qu'il avait sur son casque qui lui est rentrée dans le crâne et il est resté un certain moment au CHU de Grenoble dans le coma. Et là, plus de nouvelles. Bon. C'était donc DJ Visage Formel 1 Limited Edition. Hockenheim, c'est le club mix. Et avant ça, on a eu un autre titre. On a eu Chromatics avec Night Drive. Voilà, qui a servi de bande-son au film Drive. Et puis avant, Annie, avec un titre de l'album Dark Hearts, American Cars. Et je pense que je voulais mettre quelque chose, mais que je vais changer. Je vais plutôt revenir vers des univers parallèles. Un petit morceau de Steely Dan qui s'appelle Midnight Cruiser. Donc, comme chacun sait, cruising c'est une activité plutôt contemplative mais qui implique un but, ou du moins pas forcément un but mais du moins une intention, on va dire. Cruising en voiture. Rouler doucement et observer, ou disons se déplacer doucement et observer les choses qui pourraient être intéressantes. Midnight Cruiser, c'est sur l'album Can't Buy a Thrill. Voilà, Steely Dan. J'essaie de trouver le morceau directement sur la platine. Pas mal, je crois. My old friend, step on in and let me shake your hand. So glad that you're here again. For one more time, let your madness run with mine. Streets still unseen, we'll find some. Fascals, les Buzzcocks, et oui, il m'avait échappé. An exciting start to any show, the Buzzcocks, and have you ever fallen in love with somebody that you shouldn't have? Ouais, ok, ouais. Très bien, et bien, on continue avec The Cars, Heartbeat City, et c'est bientôt la fin de l'émission. Et c'est sur l'album Heartbeat City, avec Rick Ocasek. Producteur d'Alan Vega, donc tout fait sens, tout se rejoint. The Cars. Let's go. The Cars, Heartbeat City. Un bon album. Ça vaudrait le coup de mettre un autre morceau, mais on va mettre quelque chose que j'ai déjà mis, bah, tant pis. Le thème de K2000. Voilà. Michael Devin just called. An emergency has come up. He wants you back at the semi right away. All systems on alert. All systems on alert. merci à tous pour votre participation passive à cette émission. On va mettre un dernier morceau, un morceau de rail, un proto-rail. Belemu et Benfissa, Liman. Liman douche l'auto, j'imagine que ça se dit comme ça, c'est-à-dire celui qui ne possède pas d'auto. Une bonne manière de terminer cette 2G spéciale auto. Suite à un petit désagrément personnel, j'ai décidé de faire cette émission. A bientôt, à la semaine prochaine pour la dernière émission de avant une pause. Le flux continue un petit peu sur... l'émission continue un petit peu sur le flux. Entretien de Grenoble. Merci Pinod. Merci à tous. واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير شياطي يحبس نفسه وما عنده وين يزيد والزعاف ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف الزعاف ما دواه غير النشطة ودشي كلش مبني على البنات والحديد الأزهار يقدم بطيب المزوزي. ومازال نهرس كل شيء ويا مازال نسكر مازال مازال نسكر مازال ويا رويح مادام امك ما هنتنيش بكاتينا ما جيش ويا مازال نسكر مازال ويا مازال نسهر مازال ويا رويا صحة هي صحة نجري سمها كلي بحر ويا مازال نسكر مازال مازال نسهر مازال ويا رويا حييت ما نسكر ما شفيت حدا ويا مازال نسكر مازال مازال نسهر مازال ويا رويا سكرة تقلع الغمة أمك ترديها ويا مازال نسهر مازال ويا رويا كيماك كيماك علاش تجيبيها معاك ويا مازال نسكر مازال نسهر مازال ويا رويا مازال نسكر والمجمر نهريسه ويا مازال نسهر مازال مازال نسكر مازال قلبت ما نسحب شي ما عندي يظهر توتر عقلي يا حبيب معسكر وسعيدة شير صغيرة مولاتي